La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le jeudi 6 octobre, à la salle Richelieu, les comédiens français ont donné une représentation de « La mort de Pompée », tragédie de Pierre Corneille, que vous allez entendre avec la distribution suivante. Fautin, chef du conseil d'Égypte, Jean Davy. Accoré, écuyer de Cléopâtre, Jacques Hézer. Jules César, Jean Marchat. Philippe, affranchi de Pompée, Pierre Gallon. Aquilas, lieutenant général des armées du roi d'Égypte, Louis Aymon. Septime, tribun romain à la solde du roi d'Égypte, Jean-Pierre Joris. Ptolémée, roi d'Égypte, Paul Gers. Marc-Antoine, Georges Descrières. Cornélie, femme de Pompée, Louise Comte. Cléopâtre, sœur de Ptolémée, Thérèse Marnet. Charmion, dame d'honneur de Cléopâtre, Christiane Carpentier. Mise en scène de Jean Marchat. Décor et costumes de Paul Lart. Musique de Lully, Lalande, Marc-Antoine Charpentier et Jean-Jacques Mouret. Orchestre sous la direction de André Jolivet. Le débat de la tribune libre de théâtre et université réunira autour de Philippe de Chartres, Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, Georges Altman, rédacteur en chef du journal Franc-Tireur, Marcel Giraudet, Jean Lescalle, professeur de lettres au lycée Louis-le-Grand, et Jean-Louis Vissière et Marc Auger, élèves de première supérieure au lycée Louis-le-Grand. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Au début de cette année scolaire, Théâtre et Université a une nouvelle fois reçu mission d'apporter aux écoles et au public de France l'écho radiophonique du meilleur théâtre classique représenté à Paris et en province et à en assurer la critique au cours d'un débat où se rencontrent les étudiants, le monde du théâtre, celui de la littérature et de l'université. C'est à la Comédie Française et à Corneille que nous avons demandé notre spectacle de rentrée. Jean Marchat a mis en scène La mort de Pompée, une pièce mal connue, mais qui porte en elle le meilleur de Corneille, et aussi comme une indication de ce qui fera rejeter toute une partie de sa production dramatique dans la poussière des bibliothèques. L'œuvre de notre premier grand tragique attire à nouveau depuis quelque temps les comédiens et le public. Malgré des difficultés d'une langue et d'une syntaxe souvent désuètes, malgré de fastidieuses magnificences et des grandeurs trop empruntées. C'est que nous nous attachons surtout, sans doute, à ce que les sentiments soient vrais et nous ne craignons pas de les voir sur scène revêtus d'une forme somptueuse, difficile même et résolument éclatante. Ainsi, l'orgueilleuse préciosité de Corneille et son analyse méticuleuse et raffinée de la condition sociale se révèlent merveilleusement propres à flatter la mode la plus contemporaine. Jean Marchat l'a bien compris. La musique de Lully, quelques arabesques orchestrales, s'ajoutent au chatoiement de costumes rutilants et emphatiques. Les Égyptiens chamarrés d'or, de vert sombre, de rouges et de blancs éclatants. Les Romains ornés de cuirasses souples et colorées, couverts de manteaux pourpres ou noirs majestueux, le chef dominé par des casques d'apparat, surmonté pour César de plumes d'autruche du plus somptueux effet. Les protagonistes sont toujours accompagnés de soldats, de porteurs de flambeaux, de ministres et de serviteurs, et leurs confidences politiques et amoureuses résonnent comme à travers les galeries de Versailles. Rien de tout cela pourtant ne contredit la réalité d'un drame toujours humain, ni le machiavélisme des monarques qui se cherchent. Et c'est une grande leçon que ce spectacle inattendu, une réussite à porter au comble du théâtre français. Le décor est construit comme un lieu géométrique où peuvent se rencontrer des personnages importants aussi divers que Cléopâtre, son frère, César, Cornélie et des ministres ou confidents. Large salle dégagée sur le ciel. À droite et à gauche, une porte monumentale, côté Cléopâtre, côté Ptolémée. Vers le fond, un escalier de part et d'autre pour l'arrivée des Romains. Les portes sont très sombres, les murs dorés et le ciel très bleu.

feignez d'y consentir. Louez son jugement et laissez-le partir. Après, quand nous verrons le temps propre aux vengeances, nous aurons la force et les intelligences. Jusque-là, réprimez ces transports violents qu'excitent d'une sœur les méprises insolents. Les bravades, enfin, sont des discours frivoles. Et qui songe aux effets, néglige les paroles. Ah, tu me rends la vie et le sceptre à la fois. Un sage conseiller est le bonheur des rois. Cher appui de mon trône. Allons sans plus attendre offrir tout à César, afin de tout reprendre. Avec toute ma flotte, allons le recevoir et par ses vains honneurs, séduire son pouvoir. Charmion veille à la porte de la reine. Survient l'écuyer de Cléopâtre à Corée. Oui. Tandis que le roi va lui-même en personne jusqu'au pied de César prosterner sa couronne, Cléopâtre s'enferme en son appartement et, sans s'en émouvoir, attend son compliment. Comment nommerez-vous une humeur si hautaine ? Un orgueil noble et juste. Et digne d'une reine qui soutient avec cœur et magnanimité l'honneur de sa naissance et de sa dignité. Lui pourrais-je parler ? Non. Mais elle m'envoie savoir, à cet abord, ce qu'on a vu de joie, ce qu'à ce beau présent César a témoigné, s'il a paru content, ou s'il l'a dédaigné, s'il traite avec douceur, s'il traite avec empire, ce qu'à nos assassins, enfin, il a su dire. La tête de Pompée a produit des effets dont ils n'ont pas sujet d'être fort satisfaits. Je ne sais si César prendrait plaisir à feindre, mais pour eux, jusqu'ici, je trouve lieu de craindre. S'ils aimaient Ptolémée, ils l'ont fort mal servi. Vous l'avez vu partir et moi je l'ai suivi. Ces vaisseaux, en bon ordre, ont éloigné la ville et pour joindre César n'ont avancé qu'un mille. Ils venaient à plein voile. Et si dans les hasards il éprouva toujours pleine faveur de Mars, sa flotte, qu'à l'envie favorisait Neptune, avait le vent en poupe ainsi que sa fortune. Dès le premier abord, notre prince, étonné, ne s'est plus souvenu de son front couronné. Sa frayeur apparut sous sa fausse allégresse, toutes ses actions ont senti la passesse, j'en ai rougi moi-même. Et me suis plaint à moi de voir là Ptolémée, et n'y voir point de roi. Et César, qui lisait sa peur sur son visage, le flattait par pitié pour lui donner courage. Lui, d'une voix tombante, offrant ce don fatal, « Seigneur, vous n'avez plus, lui dit-il, de rival. Ce que n'ont pu les dieux dans votre Thessalie, je vais mettre en vos mains Pompée et Cornélie. En voici déjà l'un, et pour l'autre, elle fuit. Mais avec 6 vaisseaux, un des miens la poursuit. » À ces mots, Achillas découvre cette tête. Il semble qu'à parler encore, elle s'apprête. Qu'à ce nouvel affront, un reste de chaleur en sanglots mal formés exhale sa douleur. Sa bouche encore ouverte et sa vue égarée rappelle sa grande âme à peine séparée. Et son courroux mourant fait un dernier effort pour reprocher aux dieux sa défaite et sa mort. César, à cet aspect, comme frappé du foudre, et comme, ne sachant que croire et que résoudre, immobile, et les yeux sur l'objet attaché, nous tient assez longtemps ces sentiments cachés. Et je dirais, si j'ose en faire conjecture, que par un mouvement commun à la nature, quelque maligne joie en son cœur s'élevait, dont sa gloire indignée à peine le sauvait. L'aise de voir la terre à son pouvoir soumise, chatouillait malgré lui son âme avec surprise. Et de cette douceur, son esprit combattu, avec un peu d'effort, assurait sa vertu. S'il aime sa grandeur, il hait la perfidie. Il se juge en autrui, se tâte, s'étudie, examine en secret sa joie et ses douleurs, les balance, choisit, laisse couler des pleurs, et forçant sa vertu d'être encore la maîtresse, se montre généreux par un trait de faiblesse. Ensuite, il fait ôter ce présent de ses yeux, lève les mains ensemble et les regarde aux yeux, lâche deux ou trois mots contre cette insolence, puis, tout triste et pensif, il s'obstine au silence. Et même à ses Romains, ne daigne repartir que d'un regard farouche et d'un profond soupir. Enfin, ayant pris terre avec 30 cohortes, il se saisit du port, il se saisit des portes, met des gardes partout et des ordres secrets, fait voir sa défiance ainsi que ses regrets, parle d'Égypte en maître et de son adversaire non plus comme son ennemi, mais comme son beau-père. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce qu'attendait. Ce qu'au juste Osiris, la reine, demandait. Je vais bien la ravir avec cette nouvelle. Vous, continuez-lui ce service fidèle. Qu'elle n'en doute point. Mais César vient, allez. Peignez-lui bien aux gens pâles et désolés. Et moi, soit que l'issue en soit douce ou funeste, j'irai l'entretenir quand j'aurai vu le reste. Seigneur, montez au trône et commandez ici. Connaissez-vous César de lui parler ainsi? Comment offrirait de plus la fortune ennemie à moi, qui tiens le trône égal à l'infamie? Certes, Rome, à ce coup, pourrait bien se vanter d'avoir eu juste lieu de me persécuter. Elle, qui d'un même œil les donne et les dédaigne, qui ne voit rien au roi qu'elle aime ou qu'elle craigne, et qui verse en nos cœurs avec l'âme et le sang et la haine du nom et le mépris du rang. C'est ce que de Pompée il vous fallait apprendre. S'il en eût aimé l'offre, il eût su s'en défendre, et le trône et le roi se seraient anoblis à soutenir la main qui les a rétablis. Vous eussiez pu tomber, mais sous couvert de gloire, votre chute eût valu la plus haute victoire, et si votre destin n'eût pu vous en sauver, César eût pris plaisir à vous en relever. Vous n'avez pu former une si noble envie. Mais quel droit aviez-vous sur cette illustre ville? Que vous devez son sang pour y tremper vos mains, vous qui devez respect au moindre des Romains. Ai-je vaincu pour vous sur les champs de Pharsale? Et par une victoire au vaincu trop fatal, vous ai-je acquis sur eux en ce dernier effort la puissance absolue et de vie et de mort? Moi, qui n'ai jamais pu la souffrir à Pompée, la souffrirai-je en vous, sur lui-même usurpé? Et que de mon bonheur vous ayez abusé jusqu'à plus attenter que je n'aurais osé? De quel nom, après tout, pensez-vous que je nomme ce coup? Vous vous tranchez du souverain de Rome, et qui sur un seul chef lui fait bien plus d'affront que sur tant de milliers ne fit le roi Dupont. Pensez-vous que j'ignore ou que je dissimule que vous n'auriez pas eu pour moi plus de scrupules, et que s'il m'eût vaincu, votre esprit complaisant lui faisait de ma tête un semblable présent? Grâce à ma victoire, on me rend des hommages

plutôt qu'aux mains d'un prince qui doit à mon épouse son trône et sa province. César, de ta victoire, écoute moins le bruit. Elle n'est que l'effet du malheur qui me suit. Je l'ai portée pour dot chez Pompée et chez Crasse. Deux fois du monde entier j'ai causé la disgrâce. Deux fois de mon hymen le nœud m'a la sortie à chasser tous les dieux du plus juste parti. Heureuse en mes malheurs, si ce triste hyménée pour le bonheur de Rome à César m'eût donné. Et si j'eusse avec moi porté dans ta maison d'un astre envenimé l'invincible poison. Car enfin n'attends pas que j'abaisse ma haine. Je te l'ai déjà dit, César, je suis romaine. Et quoique ta captive, un cœur comme le mien de peur de s'oublier ne te demande rien. Ordonne, et sans vouloir qu'il tremble ou s'humilie, souviens-toi seulement que je suis Cornélie. Oh, d'un illustre époux, noble et digne moitié, dont le courage étonne, et le sort fait pitié. Certes, vos sentiments font assez reconnaître qui vous donna la main et qui vous donna l'être, et l'on juge aisément au cœur que vous portez où vous êtes entré et de qui vous sortez. L'âme du jeune Crasse et celle de Pompée, l'une et l'autre vertu par le malheur trompée, le sang des Scipions, protecteur de nos dieux, parle par votre bouche et brille dans vos yeux. Et Rome, dans ses murs, ne voit point de famille qui soit plus honorée ou de femme. Ou de fille. Plût au grand Jupiter, plût à ces mêmes dieux qu'Annibal eût bravé jadis sans vos aïeux, que ce héros si cher, dont le ciel vous sépare, n'eût pas si mal connu la cour d'un roi barbare, ni mieux aimé tenter une incertaine foi que la vieille amitié qu'il eût trouvée en moi, qu'il eût voulu souffrir qu'un bonheur de mes armes eût vaincu ses soupçons, dissipé ses alarmes, et qu'enfin, m'attendant sans plus se défier, il m'eût donné moyen de me justifier. Alors, foulant aux pieds la discorde et l'envie, je l'eusse conjuré de se donner la vie, d'oublier ma victoire, et d'aimer un rival heureux d'avoir vaincu pour vivre son égal. Jusqu'à alors regagner son âme satisfaite, jusqu'à lui faire, ô Dieu, pardonner sa défaite. Il eût fait à son tour, en me rendant son cœur, que Rome eût pardonné la victoire au vainqueur. Mais, puisque par sa perte à jamais sans seconde, le sort a dérobé cette allégresse au monde, César s'efforcera de s'acquitter vers vous de ce qu'il voudrait rendre à cet illustre époux. Prenez donc en ces lieux liberté tout entière. Seulement pour deux jours, soyez ma prisonnière, afin d'être témoin, comme après nos débats, je chéris sa mémoire et venge son trépas, et de pouvoir apprendre à toute l'Italie de quel orgueil nouveau m'enfle la Thessalie. Je vous laisse à vous-même et vous quitte un moment. Choisissez-lui les pieds d'un digne appartement et qu'on l'honore ici, mais en dame romaine, c'est-à-dire un peu plus qu'on honore la reine. Commandez et chacun aura soin d'obéir. Oh, ciel, que de vertu vous me faites haïr.

N'attendez point de moi de regrets ni de larmes. Un grand cœur à ces mots applique d'autres charmes. Les faibles des plaisirs s'amusent à parler, et quiconque se plaint cherche à se consoler. Moi, je jure des dieux la puissance suprême, et pour dire encore plus, je jure par vous-même, car vous pouvez bien plus sur ce cœur affligé que le respect des dieux qui l'ont mal protégé. Je jure donc par vous, oh pitoyable Oreste, ma divinité seule après ce coup funeste, par vous, qui seul ici pouvez me soulager, de n'éteindre jamais l'ardeur de le venger. Ptolémée à César par un lâche artifice, Rome, de ton Pompée a fait un sacrifice. Et je n'entrerai point dans tes murs désolés, que le prêtre et le dieu ne lui soient immolés. Faites mon souvenir et soutenez ma haine, ô cendre, mon espoir aussi bien que ma peine. Et pour m'aider un jour à perdre son vainqueur, versez dans tous les cœurs ce que ressent mon cœur. Toi, qui la honoris sur cette infâme rive d'une flamme pieuse autant comme chétive, dis-moi, quel bon démon a mis en ton pouvoir de rendre à ce héros ce funèbre devoir? Tout couvert de son sang, et plus mort que lui-même, après avoir 100 fois maudit le diadème, madame, j'ai porté mes pas et mes sanglots du côté que le vent poussait encore les flots. Je cours longtemps en vain. Mais enfin, d'une roche, j'en découvre le tronc près d'un sable assez proche, où la vague en courroux semblait prendre plaisir à feindre de le rendre, et puis s'en ressaisir. Je m'y jette, et l'embrasse, et le pousse au rivage. Et ramassant sous lui le débris d'un naufrage, je lui dresse un bûcher à la hâte et sans art, tel que je pus sur l'heure, et qu'il plut au hasard. À peine brûlait-il que le ciel plus propice m'envoie un compagnon en ce pieux office. Cordus, un vieux Romain, qui demeure en ces lieux, retournant dans la ville, y détourne les yeux, et n'y voyant qu'un tronc dont la tête est coupée, à cette triste marque qu'il reconnaît Pompée. Soudain, la larme à l'œil. Ô toi, qui que tu sois, à qui le ciel permet le si digne emploi, ton sort est bien, dit-il, autre que tu ne penses. Tu crains les châtiments, attends les récompenses. César est en Égypte, et venge hautement celui pour qui ton zèle a tant de sentiments. Tu peux faire éclater le soin qu'on t'en va prendre, tu peux même à sa veuve en reporter la cendre. Son vainqueur l'a reçu avec tout le respect qu'un dieu pourrait ici trouver à son aspect. Achève, je reviens. Il part, il m'abandonne, et rapporte aussitôt ce vase qu'il me donne, où sa main et la mienne enfin ont renfermé ces restes d'un héros par le feu consumé.